sous le flemme, et sous le 8. Déferlement d'eau sur la terre, on en dans le verso man. Pas 19 perso mec, ça va pop sur ma tête. 660 plus 7 connards. Là pour les sous, pas de saint silicone, ça dégoûte puis Dakar et sur le Bexo man. Nique sa grand-mère comme le Erdogan. Trafic de terre, d'organes, Angleterre, Indocan, Bibi des Rindocas. T'arrives grave, pas qui lui comme la poêle. Tel Aviv, j't'ai déjà dit dans le rap, y'a Vlad Cohen, Nakons, vient d'Endoven. NRM, ça s'en vient sous forme de gaz. Transforme, la concurrence sort de gaz, n'est jamais sop de base. HH, weed, weed, fonce car, le dollar, j'attends sa chute, vite, vite. HH, weed, weed. Hein? Shenzhen, chasse des vampires comme Van Helsing. Livre jaune, 1-7, SO Van Helsing. J'maîtrise la rime SO7, Gex Alcanéochrome. Ils enlèvent des enfants pour extraire l'adrénochrome. Ces négros tournent en rond comme au champ de course. Les flammes pour tous ceux impliqués dans le réseau de Zandvoort. Foncez dans les archives. OV de Bavière comme Garching. Ils sont obsolètes comme les Archines. J'ai les plugs, j'ai les connect. Vlad copie comme chez Clonet. SODGK, j'arrive avec des comètes. SO Alpha 5, que des danseurs de Logobi. 100 francs comme le crocodile, 667 le gros lobby. J'mets la frappe dans la SMK. Négro bientôt j'dérape dans la SLK. J'arrive nazi comme le BFOB. Malfonce, gros terre dans les FOB. Sur toi, ça vole, ça rentre, ça rentre.